La descente dangereuse commence à 150 mètres. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. S'étend sur 400 mètres. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.